Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. Aujourd'hui dans La Connexion, Daniel Lanois suit l'initiative de Radiohead. Google veut faire concurrence à Wikipédia. World of Warcraft sauve la vie d'un jeune garçon. Et aux États-Unis, le mot « woot » pourra faire son entrée dans le dictionnaire. Tout ça et plus tout de suite, c'est l'heure du jeu! Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante, c'est la dernière émission de la session et cette semaine, on va entre autres entendre de la bonne vieille musique, la musique que j'ai aimée le plus cette session aussi. Tantôt dans le fil jeux vidéo, on va parler d'une firme de relations publiques qui poursuit Perpetual. On va aussi parler des subventions françaises qui ont été autorisées et de Mike Morane qui se retrouve au temple de la renommée. Si vous ne comprenez rien à ça, restez là, je vous en parle tantôt. Voici Jacques Mar et Biscuit Chinois. À La Connexion, à C'est fou 89.1 FM dans vos oreilles. Oh, Biscuits chinois de la formation Jacques Mars avec leur hippie dans de lait. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo sur C'est Fou 89 FM. Maintenant, c'est le fil informatique. Parlons des nouvelles qui ont marqué le monde des ordinateurs cette semaine. On commence par Jackass 2.5, un film composé de nouveaux sketchs et d'anciens coupés lors du montage de Jackass 2 sera lancé directement sur Internet dès le 19 décembre. Donc, du 19 au 31, il sera possible de regarder Jackass 2.5 gratuitement sur le site blockbuster.jackassworld.com. À compter du 26 décembre, il va être également possible d'acheter le DVD sur le site, de louer le film chez Blockbuster ou de le télécharger à partir de sites tels que Amazon.com ou le logiciel iTunes. Les visionnements sur le site web accompagnés de publicités vont être gratuits, mais il faudra toutefois payer pour les téléchargements. Pour le président de Paramount Pictures Digital Entertainment, le nouveau Jackass, qui est une collection de gags et de cascades menée par Johnny Knoxville et ses acolytes, ce serait le film idéal pour essayer ce nouveau mode de diffusion sur Internet. Et je cite, « Le public cible est parfait. » Lorsque l'on va voir des cascades sur YouTube, plusieurs d'entre elles ont justement été inspirées des cascades des gars de Jackass. Le lancement de Jackass 2.5 survient pendant la grève des scénaristes à Hollywood, une grève qui tourne justement autour des profits réalisés par les studios de télé et de cinéma avec les diffusions en ligne. Le musicien canadien Daniel Lanois. Daniel Lanois suit l'initiative du groupe britannique Radiohead et il va offrir son nouvel album en téléchargement avant la sortie du CD commercial qui va être disponible 3 mois plus tard. Here Is What Is, qui comprend 18 pistes tirées du documentaire du même nom portant sur la carrière du musicien de 56 ans, sera disponible à compter du 15 décembre, c'est déjà fait, pour 9,99$. Contrairement à Radiohead, Daniel Lanois offrira cependant le choix aux internautes de télécharger son nouvel album dans une qualité sonore équivalente à celle des CD ou compressée au format MP3 pour ceux qui veulent copier les chansons dans leur baladeur audio numérique. Et je cite, « Mon ami et collaborateur Adam Samuels a proposé de créer et de gérer le site internet de distribution pour ma musique. Il m'a suggéré que mes chansons soient disponibles dans la meilleure qualité sonore possible au même prix que les versions MP3. Nous voulons ainsi que ma musique soit téléchargeable dans la même qualité que celle avec laquelle nous l'avons créée. » L'album en CD ainsi que le film en DVD sortiront 3 mois plus tard, soit le 18 mars. Sur son nouveau site internet Red Floor Records, Daniel Lanois vendra également ses 5 albums précédents, en plus de 6 albums d'anciennes chansons qui n'avaient pas été sélectionnés pour les CD. Le gouvernement des Pays-Bas désire accélérer sa transition vers l'utilisation de logiciels libres ou open source d'ici avril 2008. Selon l'agence américaine Associated Press, 2 commissions parlementaires ont approuvé la semaine dernière à l'unanimité la décision du gouvernement de contraindre ses administrateurs et ses employés à utiliser principalement des logiciels libres. Avec la mise en vigueur de cette nouvelle mesure, les administrateurs des différents ministères néerlandais devront désormais justifier au gouvernement la pertinence d'acheter un logiciel propriétaire, par exemple Office de Microsoft, plutôt que d'utiliser un logiciel libre, par exemple la suite OpenOffice, qui est l'équivalent dans la source libre. Donc, la décision du gouvernement néerlandais serait principalement de nature économique. Il estime ainsi pouvoir sauver des millions d'euros en optant pour l'utilisation de logiciels libres. Le gouvernement s'attend, par exemple, à économiser environ 8,8 millions d'euros en utilisant ces logiciels pour les registres des citoyens uniquement. Après l'implantation des logiciels libres au niveau national, le gouvernement néerlandais travaillera ensuite jusqu'en 2009 en promouvoir l'utilisation au niveau régionaux et municipaux. Un porte-parole de la division néerlandaise de Microsoft s'est dit déçu par cette annonce, évidemment, parce que ça vaut des milliards de dollars pour eux, mais il a affirmé que sa compagnie va continuer de promouvoir son nouveau format libre Office Open XML qui permet une plus grande interopérabilité avec d'autres logiciels afin qu'il soit considéré comme une alternative au format Open Document actuellement utilisé. Rappelons que les logiciels libres sont présentement utilisés par les élus et les employés municipaux de plusieurs villes européennes, dont notamment Munich en Allemagne et Vienne en Autriche. Google a publié la semaine dernière la nouvelle édition de son Zeitgeist, qui est la liste des requêtes en forte croissance ou en déclin dans son moteur de recherche. Dans le monde comme aux États-Unis, c'est le iPhone de Apple qui a pris la première position du classement de 2007 selon Google. À l'échelle internationale, le téléphone cellulaire de la compagnie californienne est suivi par 2 sites communautaires, Badoo et Facebook. En 4e, on retrouve le site internet de partage vidéo Dailymotion, suivi par le site pour enfants Webkinz et YouTube. Parmi les 4 autres requêtes en forte croissance du classement international se trouvent eBuddy, ainsi que d'autres sites communautaires, Second Life, i5 et Club Penguin. Aux États-Unis, après le iPhone, se trouvent les requêtes concernant Webkinz, le site de potin TMZ, le film The Transformers, YouTube, Club Penguin, MySpace, la série Heroes, Facebook et l'actrice Anna Nicole Smith, décédée le 8 février dernier. Parmi les requêtes qui ont fortement diminué en 2007, se trouve logiquement la Coupe du monde de football de 2006, Mozart, la FIFA, la série télé mexicaine, Rebelde, Casa, le site communautaire Zanga, Web Détente, le Sudoku, la chanteuse Shakira et le format de compression musicale MP3. Les détails sont dans l'article de Branchez-vous sur lechance.com, le site de l'émission. L'article s'appelle Google, l'année du iPhone et des sites communautaires. Quelqu'un avec une adresse IP provenant de la Chambre des représentants à Washington a modifié l'article sur l'invasion américaine en Irak sur Wikipédia, selon le magazine en ligne The Inquirer. Les modifications en question concernent notamment les supposés liens entre Bagdad et Al-Qaïda. La personne aurait par exemple changé, et je cite, « les liens supposés entre Al-Qaïda et Irak » et l'Irak, par, et je cite, « les liens entre Al-Qaïda et l'Irak » en enlevant le supposé. Les deux textes sont disponibles dans l'article sur lunechance.com. Certaines expressions sont également ont également été tempérées, par exemple en modifiant « il a finalement été démontré que l'Irak et Al-Qaïda avaient beaucoup de méfiance et d'aversion envers l'un l'autre » par « selon certains, l'Irak et Al-Qaïda, blablabla ». Dans ce dernier cas, la personne aurait ensuite ajouté, je cite, « ce qui, évidemment, ne réfute pas une relation visant à mettre un préjudice aux États-Unis ». Donc, l'été dernier, le Globe and Mail avait également rapporté que plus de 11 000 articles de Wikipédia avaient été modifiés à partir d'ordinateurs provenant de différents bureaux du gouvernement canadien. Maintenant, un article de l'Associated Press qui parle encore un peu de Google. Google qui préparait une nouvelle technologie en ligne alimentée par des gens qui veulent être identifiés en tant qu'experts sur les sujets dont ils traitent et qui pourraient possiblement tirer profit de leurs connaissances. Google a baptisé son nouveau bébé KNOL, K-N-O-L, une abréviation de Knowledge, qui en anglais veut dire connaissance ou savoir. Ce concept présenté jeudi dernier dans le site internet de Google pourrait s'avérer un défi pour l'encyclopédie gratuite Wikipédia qui a profité des connaissances collectives de contributeurs anonymes et impayés pour devenir une source d'information maintes fois citée. Pour l'instant, les articles qui se trouvent sur le KNOL ont été commandés par Google, mais la compagnie a spécifié qu'elle comptait publier des articles de tout un chacun. Selon Ubi Manber, qui est vice-président de Google, des milliers de personnes disposent de connaissances qu'elles aimeraient partager, mais ne le font pas car c'est trop compliqué. Le site Wikipédia, fondé selon les mêmes prémices il y a 6 ans, compte 2,1 millions de définitions en langue anglaise et des millions d'autres en plus de 12 langues. Son fondateur Jimmy Wales n'est pas démonté de la percée de Google dans son créneau, expliquant que Google, et je cite, « fait plein de trucs épatants qui ne fonctionnent pas tout le temps ». Wikipédia fera également une percée dans les plates-bandes de Google, oui, ce mois-ci, avec le lancement de Wikia, qui est son moteur de recherche. Par contre, les observateurs font remarquer que la différence majeure sera la présence du nom de l'auteur dans les pages de l'encyclopédie Google. L'anonymat de Wikipédia a rendu le site vulnérable aux propositions volontairement erronées qui ont fait que la fiabilité de l'encyclopédie a été mise en doute par le passé. M. Manber a toutefois rappelé que Google ne servirait pas d'éditeur et n'endosserait pas les différentes contributions. Toutefois, il estime que le réseau de publicitaires de Google permettra aux auteurs de tirer un bénéfice de leurs connaissances. Google espère également que son système de notes et de commentaires sur les contributions servira de système de surveillance des auteurs et qu'ils demeureront honnêtes en raison du jugement de leur père. Voilà qui fait le tour pour la première partie du fil informatique. Regardons les mots-clés qui ont été les plus recherchés la semaine dernière sur la toile du Québec. En 5e position, on retrouve stable les packs. En 4e, ça monte avec YouTube. En 3e, ça monte aussi, c'est Hotmail. En 2e, c'est stable avec l'Auto-Québec. Et le mot le plus recherché la semaine dernière, c'est comme toujours horoscope. Vous écoutez La Connexion à C'est fou 89.1 FM. We'll be right back. Figurines avec Childhood Verse de l'album When the Deer Were Blue. C'était sur les palmarès il y a quelques mois de ça. C'est une pièce que j'ai bien aimé passer. Maintenant, c'est le fil jeu vidéo. Une nouvelle qui a marqué le monde vidéoludique cette semaine et la semaine dernière. On commence par Nintendo. Le président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, a tenu une petite conférence et il a dévoilé quelques détails intéressants au sujet de la Wii. Alors que les propriétaires de cette console seront malheureux d'apprendre qu'aucun mode en ligne n'est prévu pour la console virtuelle, ils se réjouiront face à la possibilité de voir apparaître les échanges vocaux en ligne sur la console. Fils-Aimé a ainsi déclaré qu'aucun jeu pour la Virtual Console n'est prévu pour avoir de mode en ligne, bien que la plupart des jeux offerts sur ce service soient des répliques exactes des classiques dont ils sont tirés. Certains offrent quelques nouvelles possibilités, dont Pokémon Snap, qui permet d'échanger des photos en ligne avec des amis. Le président de NOA, Nintendo of America, a aussi stipulé qu'il ne serait pas surpris de voir la possibilité de pouvoir parler en ligne sur la Wii dans le futur. Même si la firme est très conservatrice lorsqu'il s'agit de jeux en ligne, elle en a déjà fait l'expérience sur Nintendo DS avec des jeux tels que Metroid Prime Hunters et Pokémon Diamond and Pearl. Reste à savoir si cette option permettra de parler à n'importe qui ou à nos amis uniquement. Connaissant Nintendo, ça risque d'être seulement avec vos amis avec des friend codes. C'est ce que Nintendo aime bien faire. Au Consumer Electronics Show qui se déroulera le mois prochain, le fabricant de périphériques Nico compte proposer un contrôleur nunchuck qui n'aura pas besoin d'être relié à la télécommande Wii via un fil. Bien entendu, il sera alimenté par des piles. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou non, demande l'article de branchezvous.com. En fait, je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas la manette de la Wii. Tu as une manette à gauche avec un joystick et une manette à droite avec des boutons que tu contrôles. Le nunchuck, c'est la partie à gauche avec le joystick. Et là, elle est reliée avec un fil présentement à ton autre commande. Donc, une version sans fil avec pile serait très, très bien. L'article continue en disant « J'ai toujours été d'avis que le câble reliant la télécommande Wii au contrôleur nunchuck n'était pas très esthétique. Je crois aussi que la télécommande Wii consomme trop de batterie. Cette proposition de Nico m'intrigue tout autant qu'elle m'inquiète. En ajoutant un récepteur 2,4 GHz dans le port de la télécommande Wii, il est fort possible que celui-ci draine encore plus les batteries de la télécommande. En revanche, la présence de batterie dans le contrôleur nunchuck de Nico rendra celui-ci légèrement plus lourd. Une bonne chose à mon avis, dit l'article. » Hein? Il trouve que le nunchuck est toujours trop léger. Donc, il serait intéressant de voir si Nintendo entend proposer de nouveaux accessoires pour la Wii l'an prochain. Une station de chargement peut-être où on peut déposer la télécommande de la Wii. Et la solution de Nico là-dessus n'était pas très formidable, dit l'article. Voilà, c'est ce que demande branchez-vous.com, la section jouets.com. Un article de jeuxvideo.com maintenant. Décidément, il ne se passe pas une semaine sans que l'on reparle d'une manière ou d'une autre de Guitar Hero. Eh bien, aujourd'hui, on revient sur l'affaire du son mono. Des versions Wii, on en parlait la semaine dernière, alors que l'éditeur pense à une solution de recours qui consisterait à presser de nouveau le jeu, en stéréo cette fois-ci, afin d'échanger tous les exemplaires vendus. Certains acheteurs ne l'entendent pas de cette oreille. Ils viennent même d'entamer une action en justice à l'encontre d'Activision pour avoir vendu et même continué à vendre un jeu mono, alors que le boîtier indique très clairement que le son est compatible Dolby Pro Logic 2. Ce groupe d'acheteurs demande principalement à être remboursé de son achat, mais aussi que le profit engrangé par les ventes du jeu sur Wii soit retiré à Activision. Ils vont fort! Après la plainte déposée par The Romantics pour Guitar Hero Rocks the 80s, ça doit faire mal à la compagnie Activision. Donc, que voulez-vous? Il y a des... C'est aux États-Unis. C'est comme ça que ça se passe. On poursuit quand quelque chose n'est pas de... ne fait pas notre affaire. Une nouvelle, bizarre. On le sait, la police ne rigole plus lorsqu'il s'agit de fusillades, particulièrement lors d'une menace d'attentat contre une école, dit rgamers.com. Un jeune homme l'a appris à ses dépens il y a quelques temps, alors qu'une simple remarque lancée lors d'une partie via Xbox Live a mené à son arrestation. Eliu Shaw, un étudiant de 19 ans de la Frostburg State University qui réside en Virginie-Occidentale, a ainsi disputé une partie en ligne du jeu Call of Duty 4 Modern Warfare lorsqu'il a soudainement menacé de tirer dans son école. L'un des autres joueurs, du nom de Kaipo Damurand, a alerté la police qui a procédé à l'arrestation de Shaw. La police a travaillé en étroite collaboration avec Microsoft afin de déterminer le lieu où a été proférée cette menace. Les écoles du secteur où Shaw étudiait ont quant à elles été prévenues d'un possible attentat et étaient en état d'alerte, imaginez. Lors de son arrestation, Shaw a avoué que la menace n'était qu'une blague. Aucune arme n'a été trouvée sur le jeune homme. En plus d'avoir été suspendu temporairement de l'université, Shaw fait face à deux chefs d'accusation pour avoir troublé l'ordre d'une école. La peine maximale pour ce type d'infraction est un an d'emprisonnement et 5 000 $ d'amende. Où est-ce qu'on s'en va? Bon, tiens, passons à une autre nouvelle de Hardgamers.com. Si on croit les dires de Sir Howard Stringer, le PDG de Sony, les joueurs devront regarder du côté de la PlayStation 3 au cours des années à venir. En effet, non seulement la firme veut-elle rendre sa console compatible avec divers appareils électroniques, mais elle veut aussi entrer en concurrence directe avec Microsoft et Apple quant au commerce électronique. Stringer a ainsi déclaré que le fait de pouvoir transférer sans aucun fil des fichiers de la PS3 à la PSP n'était qu'un début. En effet, Sony prévoit de rendre compatible la PS3 avec des téléphones portables et d'autres appareils électroniques. Cette déclaration a ranimé les rumeurs voulant que Sony planifie le lancement d'une marque de téléphone PlayStation. La connectivité entre la PlayStation 3 et les téléphones portables fera aussi des plans de Sony pour les 3 années fiscales. La connectivité entre la PS3 et les téléphones portables fera partie des plans de Sony pour les 3 années fiscales débutant le 1er avril prochain. À ce moment-là, la firme se concentrera aussi sur des avenues à prendre pour entrer en compétition directe avec Xbox Live de Microsoft et iTunes d'Apple. Et je cite, « L'an prochain pour le PlayStation Network, nous mettons en ligne de tir direct. » Ça veut rien dire, cette phrase-là. « Avec Apple et Microsoft, c'est ce qu'a déclaré Stringer au site Reuters. Vendredi dernier, nous avons eu un dîner où les têtes dirigeantes de Sony Electronics, Sony Pictures, Sony BMG, Sony PlayStation ont été à la même table en étant mélangées et en discutant véritablement. » Wow, que Hardgamers ne sont pas au courant comment traduire une phrase. Cela laisse penser que le PlayStation Network permettra de consulter et de télécharger une vaste gamme de fichiers provenant de la grande banque de données des diverses divisions de Sony. Donc, histoire à suivre. Depuis la sortie de Rock Band aux États-Unis, les joueurs de PlayStation 3 se plaignent de ne pas pouvoir profiter pleinement du jeu dans la mesure où le pack vient avec une seule guitare, que les accessoires ne sont pas encore disponibles indépendamment à la vente et que les guitares de Guitar Hero 3, ne sont pas compatibles avec Rock Band alors qu'elles le sont sur Xbox 360. Rock Band étant le nouveau jeu de simulation de band avec des instruments de musique que tout le monde peut participer, c'est génial. Donc Harmonix a donc réagi en annonçant un patch pour régler ce problème de compatibilité, mais depuis, plus rien. Les jours passent et il manque toujours un bassiste au groupe virtuel de Rock Band, dit jeuxvideo.com. Donc la semaine dernière, Harmonix a accusé Activision de bloquer la sortie du patch, d'ores et déjà entre les mains de Sony et approuvé par le constructeur. Face au refus d'Activision de voir ses guitares compatibles sur les jeux concurrents, Sony ne peut effectivement diffuser le patch. Et tant que l'éditeur de Guitar Hero ne changera pas d'opinion, il en sera ainsi. Harmonix en appelle donc à la bonne volonté d'Activision en précisant qu'il en va du bien de l'avenir des jeux musicaux. Mais rien n'y fait. Activision campe sur ses positions et bloque la diffusion du patch qui devait sortir le 4 décembre. Tout cela est véritablement ironique, dit jeuxvideo.com, quand on sait que Harmonix a créé la série Guitar Hero et donc les guitares qui vont avec. Constater aujourd'hui qu'elles ne peuvent fonctionner sur son nouveau jeu, doit quand même bien énerver le studio. Espérons que tout puisse rentrer dans l'ordre l'année prochaine à la sortie du jeu en Europe, dit l'article du site français jeuxvideo.com. Voilà qui fait le tour du fil jeux vidéo. C'est ça, absolument, parce que le site de jeuxexpress.com ne fonctionne toujours pas. Mais Halo 3, en bref, là, Halo 3 a été nommé le meilleur jeu de l'année selon Time Magazine. Je pense que ça valait même pas la peine de lire l'article pour dire ça de toute façon. Regardons un petit peu les jeux qui ont été les plus vendus au Japon la semaine dernière. On commence pour la semaine du 3 au 9 décembre selon l'institut japonais Media Create. En cinquième position, c'est Professor Layton and the Pandora Box sur DS. En quatrième, c'est Everybody's Golf 2 sur la PSP. En troisième, Tales of Innocence sur la DS. En deuxième, Mario Party DS sur la DS. Et en première place, c'est Wii Fitness sur la Nintendo Wii avec 150 000 ventes. Côté console, toujours selon Media Create. En cinquième, c'est la PlayStation 2 avec presque 12 000 ventes. En quatrième, la PlayStation 3 avec 38 000. En troisième, la PSP avec 91 481. En deuxième, la Wii avec 115 000. Et la console la plus vendue la semaine dernière au Japon, c'est la Nintendo DS avec 168 267 ventes. Wow! Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo au 89.1 FM. Go! Bonjour, vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à C'est fou 89.1 FM. Dans quelques minutes, ça va être la chronique insolite qui s'appelle Le Plancher. On va parler de World of Warcraft qui a sauvé la vie d'un jeune garçon et du mot Woot qui pourrait faire son entrée dans le dictionnaire. Woot. Woot. Choo-choo. Woot. Grip Like a Vice, une autre pièce que j'ai bien aimée cette session-ci. De la formation de Go Team, l'album s'appelle Proof of Youth. Maintenant, c'est l'heure de parler de gens stupides qui font des choses stupides. Le tour du monde des gens stupides qui font des choses stupides en technologie, évidemment, parce que vous êtes à La Connexion, l'émission de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. On commence à Montréal. Vous avez certainement entendu parler de cette nouvelle, mais au cas où c'était pas le cas, la voici quand même. Un Canadien furieux de découvrir son fils de 15 ans en train de fumer de la marijuana a mis aux enchères sur Internet le cadeau de Noël qui lui était destiné. Un jeu vidéo d'une valeur de 90 $ qui a trouvé preneur à 9 000 $. Le père a mis en vente le jeu Guitar Hero 3 pour la console de jeu Nintendo Wii, en mono évidemment, après avoir passé 2 semaines à sillonner les détaillants pour finalement mettre la main sur un exemplaire de ce cadeau prisé. Et je cite, « Je détenais le Saint Graal des cadeaux de Noël juste au bon moment. Je ne pouvais pas attendre pour partager ma joie à mon fils. Mais hier, je suis rentré du boulot plus tôt qu'à l'habitude. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Mon jeune garçon innocent fumant du cannabis avec 2 de ses amis délinquants », a écrit le père sur le site d'enchères eBay. L'homme, un enseignant canadien qui n'a pas dévoilé son identité, a décidé de vendre le cadeau tant convoité par son fils afin de le punir et de le décourager de fumer de l'herbe euphorisante. Cette initiative déchirante a toutefois contribué à regarnir le... Cette initiative déchirante a toutefois contribué à regarnir le trésor familial à un prix de base de 89 $ canadiens. Le jeu vidéo a finalement été acheté par un Australien à 9 100 $, soit plus de 100 fois sa valeur initiale. L'adolescent devrait quand même avoir un cadeau sous l'arbre de Noël et je cite « J'envisage encore de lui acheter un jeu pour sa console Nintendo, peut-être Barbie », a ironisé son père sur Internet. Très bonne idée, le gars reçoit des très bons commentaires autant que des très mauvais commentaires. C'est ce que je lisais dans le journal hier. L'histoire prête à rire, et pourtant, dit jeuxvideo.com, elle est tout de même ce qu'il y a de plus véridique. Hans Jørgen Olsen, un jeune garçon probablement norvégien, dit le site, a réussi à échapper à la menace d'un élan en faisant semblant d'être mort, exactement comme il l'a appris dans World of Warcraft grâce à la technique du même nom. L'animal ne l'a donc pas attaqué et chacun a pu continuer son chemin tranquillement. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire lorsque vous croiserez, vous aussi, un élan. Ah! Vive World of Warcraft! Maintenant, à San Francisco, selon l'agence France Presse, le dictionnaire de langue anglaise Merriam-Webster a annoncé mercredi dernier que le mot woot, W00T, oui, 00T, est populaire dans l'univers du jeu vidéo sur Internet, a été choisi comme mot de l'année de 2007, ce qui signifie qu'il pourrait prochainement faire son entrée dans le dictionnaire. Le terme woot, qui conjugue l'usage de lettres et de chiffres, est une exclamation exprimant la joie, possiblement après une victoire ou sans aucun motif. Selon le site internet de Merriam-Webster, qui donne comme exemple la phrase « Woot! J'ai gagné le concours! » Selon Merriam-Webster, une institution sur le marché des dictionnaires américains, le terme a été placé en tête du classement par les internautes sur son site internet. Si le mot n'a pas encore été intégré dans le dictionnaire, cette distinction peut augmenter ses chances, selon Merriam-Webster. Le vocable appartient au langage des pirates du net baptisé le « Leet », L33T ou encore Elite, qui combine lettres et chiffres et remplace par exemple la lettre E par le chiffre 3 ou la lettre A par le 4. Je me sens vraiment nul de vous dire ça parce que si vous ne savez pas, vous devriez peut-être pas le savoir. En seconde position se trouve le verbe to Facebook ou encore en français Facebooker, hein, qui est la déclinaison du site de socialisation en ligne du même nom, qui désigne le fait de mettre en ligne des photos ou toutes autres informations personnelles sur des sites internet, peu importe le site. Un peu comme on utilise le verbe googler des fois en français, ça veut dire aller chercher, pas nécessairement sur Google. Ça s'applique à plein de choses. Voilà qui fait le tour pour la chronique des gens stupides qui font des choses stupides. Maintenant, retournons un petit peu notre fil informatique. Beaucoup de choses se sont passées cette semaine et regardons un petit peu quelques nouvelles qui ont rapport avec le Québec. Le CFRIO, VDL2 et SOM ont publié une étude sur les habitudes de consommation en ligne des Québécois. Les achats faits sur Internet représentent dorénavant 3 % du commerce de détail québécois. Cette enquête révèle que 16,4 % des Québécois ont réalisé un ou plusieurs achats sur la toile au cours des derniers mois. En moyenne, 20,5 % des hommes du Québec achètent en ligne contre 12,4 % des femmes. Ce sont les Montréalais qui sont en tête du classement. En effet, 18,1 % des achats sur le net ont été faits par les habitants de Montréal et les environs. Le montant moyen des achats est de 268 $ et le montant total moyen des achats en ligne est de l'ordre de 266 millions de $, qui est 88 millions de $ en 2005 par comparaison. Voilà. On apprend aussi que 2,2 % des adultes québécois, environ 130 000, ont effectué des achats de plus de 1 000 durant le mois d'octobre 2007. Cette étude a pris en considération les portails des commerces de détail, mais aussi des sites web de vente aux enchères tels que eBay. À compter de l'année prochaine, les gens vont pouvoir consulter mensuellement les statistiques de consommation en ligne présentées sous la forme de l'indice du commerce électronique au Québec. J'imagine qu'on aura la chance de suivre ça à la connexion. L'autorité indépendante régulatrice des médias britanniques, l'Ofcom, vient de publier sa toute dernière étude sur la popularité des sites de socialisation en ligne dans différents pays du monde en 2006. Cette enquête révèle que les habitants du Canada aiment bien socialiser en ligne, comparativement à la plupart des autres régions du globe. En effet, 53 % des Canadiens ont socialisé en ligne l'année passée. C'est près du double des internautes français, qui est à 17 %. En Europe, ce sont les Britanniques qui dominent le classement. 39 % d'entre eux visitent effectivement des sites de socialisation. Du côté de l'Allemagne, seulement 12 % des Allemands socialisent en ligne. En ce qui concerne l'Asie, 32 % des Japonais sont rendus en 2006 sur des sites tels que Facebook ou MySpace. 34 % de la population des États-Unis socialise en ligne. C'est d'ailleurs le seul État dont les internautes sont majoritairement des femmes à 52 %. Tous les autres pays interrogés, il y a plus dans tous les autres pays interrogés, il y a plus d'internautes de sexe masculin, sauf au Royaume-Uni, il y a autant d'hommes que de femmes qui surfent le web. La vidéo en ligne semble aussi gagner en popularité. Entre 33 % et 56 % des internautes des pays sondés regardent ou téléchargent des vidéos sur la toile. Et enfin, environ un tiers des gens écoutent la radio en ligne. Peut-être c'est fou.ca, hein? Pourquoi pas? Terminer les files d'attente à la caisse, dit l'article de la presse canadienne. Terminer les boutiques bondées et les bousculades pour trouver le cadeau parfait. Les Québécois sont de plus en plus nombreux à magasiner de leur foyer. Oui, voilà. Donc le professeur, ça revient un petit peu au même, mais bon. Le professeur adjoint au HEC de Montréal, Jean-François Ouellet, prévoit une explosion du commerce électronique d'ici les prochaines années. Déjà, près de 45 % des Québécois qui ont accès à Internet affirment avoir effectué au moins un achat en ligne pendant l'année. La valeur des transactions sur le web aurait triplé en 2 ans au Québec. Ce serait que la pointe de l'iceberg. Désormais, c'est 266 millions de dollars qui sont dépensés en ligne chaque mois par les consommateurs québécois. C'est assez incroyable. Un conte de fées écrit par J.K. Rowling, voilà, a été acheté par le détaillant d'Internet Amazon pour 4 millions de dollars américains lors d'enchères organisées à Londres. J.K. Rowling, qui est la femme qui a écrit Harry Potter. Le conte acheté par Amazon est écrit à la main et illustré par J.K. Rowling elle-même. La couverture du livre est faite de cuir et reliée de d'anneaux d'argent. L'auteur de 42 ans n'a écrit que 7 exemplaires du conte qui s'appelle The Tales of Beedle the Bard, les histoires du bard de Beedle. Les autres copies appartiennent à des proches de J.K. Rowling. Les experts s'attendaient à ce que les enchères pour le livre organisé par la firme britannique Sotheby's ne s'élèvent pas à plus de 100 000 $ américains. Eh bien, J.K. elle-même a déclaré qu'elle était surprise et en extase devant le montant atteint, d'autant plus que la somme sera entièrement versée à sa fondation caritative pour les enfants de Children's Voice. Selon elle, l'histoire de son conte est un condensé de thèmes retrouvés dans les 7 romans d'Harry Potter, et je cite... C'était la plus belle façon pour moi de dire adieu à un monde fantastique dans lequel j'ai vécu pendant 17 ans. C'est ce qu'elle a déclaré aux médias de sa maison d'Édimbourg en Écosse. Lors de la même séance d'enchères, Sotheby's a également mis en vente un tableau peint par l'ancien premier ministre britannique Sir Winston Churchill, qu'il donna en cadeau à son homologue de l'époque, le président américain Harry Truman, en 1951. L'œuvre s'appelle Marrakech et elle s'est vendue pour 955 645 $. Et finalement, une nouvelle qui parle de iTunes. Les utilisateurs canadiens de la boutique en ligne iTunes pourront dorénavant acheter des séries télé canadiennes et américaines, selon The Globe and Mail. Il était temps. Les internautes pourront par exemple acheter les épisodes des séries télévisées canadiennes La Petite Mosquée dans la Prairie ou encore Corner Gas, mais également les épisodes de séries américaines comme South Park. Les amateurs de hockey pourront quant à eux télécharger certains matchs de la LNH. Tous les épisodes incluant les matchs de hockey sont 1,99$, donc que ce soit un épisode de Little Mosh on the Prairie de 30 minutes ou un match de hockey de je sais pas 2 heures, ça va quand même coûter 2$. Et je cite, nous sommes enthousiastes à l'idée d'offrir à nos utilisateurs canadiens ces séries télévisées juste à temps pour les fêtes, c'est ce qu'a déclaré le vice-président d'iTunes. Nous offrons, pour commencer, une large sélection de séries télé provenant des chaînes CBC, CTV, Comedy Central et MTV, en plus des matchs de la LNH. Auparavant, les Canadiens ne pouvaient pas télécharger des émissions de télé, mais seulement des chansons ou des jeux vidéo destinés au iPod sur iTunes. Précisons que les émissions de télé sont disponibles en 640x480, c'est-à-dire quand même assez faible résolution, mais c'est pas si mauvais que ça. Pour les détails, c'est le apple.ca ou passez par l'article des séries télévisées canadiennes sur iTunes via le site de l'émission au www.unechance.com. Voilà qui fait le tour pour le fil informatique. Regardons un petit peu les jeux les plus vendus, en fait les consoles les plus vendues aux États-Unis selon le cabinet d'études NPD. Il y a seulement 6 consoles dans la liste. En 6e, c'est PlayStation 3 avec 466 000. En 5e, PlayStation 2 avec 496. En 4e, c'est la PSP avec 567. En 3, c'est la Xbox 360 avec 770 000. En 2e, la Wii avec 981. Et la console la plus vendue aux États-Unis, selon NPD, avec 1 530 000 ventes pour un total de 15 121 100. C'est la Nintendo DS. Suspense inutile, des fois. Ça arrive. Vous êtes à la connexion. Assez fou 89.1 FM. Moyen de l'album Jouer dans les airs à la collection à C'est fou 89.fm. C'est l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Avant de terminer cette première heure, j'ai eu une très très bonne idée cette semaine. Ça, c'est le son qui dit bonne idée pour moi. J'ai décidé de vous présenter quelques pièces du jeu Super Mario Galaxy pendant cette émission. Petit cadeau de Noël. À moi et à vous. On commence par la chanson thème suivie de Choose a Planet. Et on se retrouve dans la deuxième heure avec des nouvelles de jeux vidéo et de criminalité sur Internet. Restez avec nous. Thank you.

un peu. Voici Cybercrime. Quelques nouvelles qui ont marqué le monde de la cybercriminalité et de tout ce qui est croche sur Internet et dans le domaine de la technologie en général. On commence par le pourriel. Le bilan du pourriel est lourd en 2007 selon l'estimation de la firme de sécurité Barracuda Technologies rapportée par Radio-Canada. 95% de tout le courrier électronique qui a circulé sur le réseau Internet dans le monde cette année était du pourriel ou du spam, du courrier non désirable. On a beau avoir de meilleurs systèmes de filtrage dans les entreprises, à la maison et chez les fournisseurs de services Internet, il n'en reste pas moins que les gens de l'industrie du polypostage, car on doit vraiment parler d'une industrie, eux raffinent leur technique pour passer entre les mailles des filets. En comparaison, en 2001, seulement 5% des courriels étaient des pourriels. On passe maintenant à 95%, ça veut dire qu'il reste 5% qui n'est pas du pourriel, c'est incroyable. La société de Redmond Microsoft croyait certainement que ses problèmes étaient terminés en Europe, mais c'est maintenant Opera qui poursuit Microsoft devant les tribunaux européens en vertu de la loi antitrust. Opera accuse Microsoft d'utiliser sa position dominante pour lier son furteur web au système d'exploitation et de nuire à la compatibilité des autres furteurs en ne respectant pas les normes web établies. Opera demande donc qu'Internet Explorer ne soit plus livré avec Windows et que le furteur respecte les normes web établies. Selon le PDG d'Opera, sa société intente sa poursuite au nom de tous les consommateurs qui en ont assez de voir les monopolistes prendre des décisions à leur place. Il est important de souligner que Opera, qui était considéré comme un concurrent sérieux à Internet Explorer il y a quelques années, est maintenant relégué à la troisième place du palmarès des furteurs web derrière Explorer, évidemment, et Firefox de Mozilla, qui continue de gruger des parts de marché à ses concurrents, oui. On peut donc voir cette poursuite comme un geste désespéré d'une entreprise cherchant à mousser les ventes de son produit. Microsoft a balayé ses accusations du revers de la main en disant que les consommateurs ont le choix d'installer le furteur par défaut de leur choix, y compris Opera. La plainte a été déposée, il restera à voir si le tribunal jugera celle-ci suffisamment fondée pour intenter une poursuite en bonne et due forme. Internet bourdonne de rumeurs cherchant à expliquer la disparition des extraits de l'historique concert de réunion du groupe britannique Led Zeppelin qui a eu lieu lundi dernier à Londres. Ça a été retiré du site de YouTube. Une entente de licence existe bel et bien entre Warner Music Group et YouTube, permettant aux utilisateurs du site de partage vidéo d'y publier du contenu dont les droits d'auteur sont la propriété de WMG. Des sources bien informées rappellent toutefois que c'est Led Zeppelin qui détient les droits sur le concert et que c'est à la demande de la direction du groupe que des clips de l'événement auraient été supprimés du site. Un DVD de l'événement qui a servi d'hommage au regretté cofondateur d'Atlantic Records, Ahmet Ertegun, sera publié l'année prochaine. Les amateurs de Led Zepp à la recherche de clips en continu du groupe ont été accueillis sur YouTube par un avis expliquant que le contenu avait été retiré des pages à la demande de WMG. WMG, comme c'est le cas de la plupart des autres étiquettes, assume souvent la tâche des requêtes de suppression de contenu au nom des artistes qu'elle représente. Voilà qui fait le tour des nouvelles qui ont marqué le monde de la cybercriminalité, des choses croches sur Internet. Maintenant, voici les jeux qui ont été les plus trichés cette semaine. En fait, en ce moment même, via GameFAQs.com, on parle des jeux que les gens ont cherché une façon de contourner les ennemis, les monstres, les buts, de façon à ne pas avoir à trop chercher dans leur petite tête et ne pas faire rouler leur hamster trop longtemps. En cinquième position, on parle de Halo 3 sur la Xbox 360. En quatrième, c'est Assassin's Creed sur la 360. En troisième, c'est Pokémon Diamond sur la DS. En deuxième, c'est Final Fantasy 12 sur la PS2. Et le numéro 1 des jeux les plus trichés sur GameFAQs, c'est Mass Effect sur la Xbox 360. Maintenant, on retourne à notre série en concert, notre mini-série. C'est toujours la musique de Super Mario Galaxy sur la Nintendo Wii et voici Waking Up, suivi de Chasing the Bunnies. Oh, Chasing the Bunnies! À la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique, de jeux vidéo et de petits lapins! Ah, c'est fou, 89 FM. Thank you. Chasing the Bunnies de la trame sonore de Super Mario Galaxy. Ça reste très bon, mais c'est quand même assez répétitif comme musique, que vous trouvez pas. Continuons la collection, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo avec le fil jeux vidéo. Et je vais laisser la musique de Mario Galaxy derrière moi, ça va être plus relaxant. Avec sa console, oui, Nintendo veut vous faire bouger. Sega, elle, veut vous faire penser. L'article s'appelle « Le retour de Sega sur branchez-vous.com. Vous vous souvenez de Genesis, pas le groupe de musique, c'est l'article, mais la console de jeu. À sa sortie en 89, elle était l'une des seules capables de concurrencer la console de Nintendo. Malgré une supériorité technologique évidente, elle n'a jamais pu atteindre un seuil de popularité capable de détrôner Super Mario. Et bien, presque 20 ans plus tard, on pourrait de nouveau assister à une confrontation Nintendo-Sega, quand celle-ci a annoncé un partenariat avec NeuroSky dans le but de développer des jeux à commande mentale. Selon le communiqué de presse, l'objectif ultime de ce partenariat est de créer une interface lisant les ondes cérébrales ainsi que d'autres signaux biologiques pour interagir avec les jeux. L'interface de NeuroSky consiste en des capteurs qui s'ajustent sur le front, un peu comme des écouteurs. Wired a, de plus, confirmé que la technologie de NeuroSky permet également de lire le mouvement des muscles. On peut donc d'ores et déjà envisager quelques utilisations assez intéressantes pour une telle technologie. Les amateurs de jeux, particulièrement les first-person shooters comme Unreal et Halo, apprécieraient certainement une telle interface. L'article de branchez-vous.com. Malgré le report de certains titres importants, l'industrie du jeu vidéo vient de vivre ce qui pourrait bien être la saison la mieux remplie de son histoire, dit Jean-François Coderre du Journal de Montréal. Parmi tous ces jeux de fort calibre lancés depuis septembre, il ne devait pas être trop difficile de trouver celui qui convienne à celui à qui on souhaite en offrir un en cadeau. Donc, si vous voulez aller voir l'article des jeux à mettre sous le sapin, allez voir le unechance.com, le site de l'émission. Il suggère pour les grands amateurs de jeux Halo 3 sur la 360, Assassin's Creed sur la 360 et la PS3, Uncharted Drake's Fortune sur la PS3, Metroid Prime 3 Corruption sur la Wii et Call of Duty 4 Modern Warfare sur la 360, la PS3 et le PC. Pour les, y a aussi, est-ce qu'il y en a un autre? Oui, il y en a un autre. BioShock sur la 360 et le PC, c'est coté 17 ans et plus. Pour petits et grands, il suggère Mario Galaxy, qui est coté pour tous. Guitar Hero 3 sur la 360, PS3, Wii, PC et PS2, ça c'est coté 13 ans et plus. Rock Band sur PS3, PS2 et 360. Ratchet & Clank Future Tools of Destruction sur la PS3, ça c'est classé 10 ans et plus. Pour le joueur PC, il suggère Crysis, Orange Box et World in Conflict. Ils sont cotés entre 13 ans et plus et 17 ans et plus. Et pour les parties des fêtes, il y a CNIT sur Xbox 360, SingStar sur PS2, le jeu de karaoké, et Cranium Kabuki sur la Wii. Dans les jeux éducatifs, il suggère la série My Coach sur la DS et Brain Age 2 sur la DS. Alors que pour les jeux faits au Québec, il suggère Assassin's Creed, Boogie, Naruto Rise of a Ninja, B-Movie Game et Spider-Man Friend or Foe qui sont sur des consoles variées, mais surtout la Xbox, la PS3, le PC. Il y a même un jeu sur la PS2 et un autre sur la Wii. On parle de Boogie, voilà. Signe que le Canada et les États-Unis sont des pays bien distincts avec leurs propres valeurs, le jeu de guerre Call of Duty 4 Modern Warfare s'est classé 3e au Canada alors qu'il est premier aux États-Unis. Nintendo a été roi au Canada et maître des ventes de jeux et des consoles. Donc l'article de Branchez-vous, en fait de jouer.com, dit que l'industrie du jeu vidéo se porte très bien au Canada. Les ventes de consoles, de jeux et d'accessoires ont été près de 2 fois supérieures à celles de l'année dernière. Ça totalise 209,1 millions de dollars. Donc les ventes de consoles en novembre 2007 au Canada, on parle de la DS avec 120 000 ventes. C'est suivi de la Wii, de la Xbox 360, de la PS3, de la PSP et de la PS2. Du côté des jeux, le plombier moustachu, oui, a eu le dessus sur les rockers de Guitar Hero 3 et les soldats de Call of Duty 4. On retrouve en 5e place Wii Play avec la télécommande Wii. En 4e, Assassin's Creed sur la PS3. En 3e, Call of Duty 4 Modern Warfare sur la 360. En 2e, c'est Guitar Hero 3 Legends of Rock sur la PS2. C'est la version qui vient avec la guitare. Et le jeu le plus vendu, c'est Super Mario Galaxy sur la Wii avec 94 000 ventes. C'est un peu la raison qu'on écoute la trame sonore aujourd'hui. Et aux États-Unis, on parle de la DS en première place avec 1 530 000 ventes. Et le jeu le plus vendu en novembre 2007, c'est Call of Duty 4 Modern Warfare sur la 360. Côté location, en 3e place, on retrouve Call of Duty 4 encore une fois sur la 360. Il est partout. En 2e, c'est Mario Galaxy sur la Wii. Et en première, c'est Assassin's Creed sur la 360. Dans quelques secondes à peine après la publicité, on va parler de nouveautés en magasin. On va aussi parler de technologie. Mais avant de passer en pause, comme je viens de le dire, voici notre quiz musical de la semaine. Nommez ce jeu qui joue derrière moi. Je vous donne un seul indice. Il se retrouve sur Sega Genesis. Pensez-y, la réponse au retour à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo au 89.fm. Je vous ai demandé de nommer le jeu qui joue derrière moi. Je vous donne encore quelques petites secondes pour y penser. La réponse, c'est Virtua Racing sur la Sega Genesis. Virtua Racing. Bonjour, c'est la dernière demi-heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Oui, il nous reste à peine une trentaine de minutes pour parler de plein de choses, de jeux vidéo, de technologie, de différents trucs qui se sont passés autour du net. Mais avant ça, check that out. Check that out, brother. Qu'est-ce qui s'est passé back in the days? Yeah! Back in the days. Anglophone. Tout le monde écoutait Bon Jovi pis Dépêche Mode. Tout le monde disait partout que le hip hop c'était juste une mode. Si, bon, pour moi, back in the day. Si, bon, pour Twitch. Si, bon, pour moi, back in the day. Si, bon, pour Twitch. Fais ça réel, j'fais ça ma façon. J'fais ça frais, c'est bon dans maison. Un saut à 10 danses comme combinaison. Back in the days, t'as tant d'avantages. Back in the days, avec mon ghetto blast. C'est instru, de quoi le maudit. Ça met pas de but, mais c'est cool la maudit. Je rappe en anglais, mais c'est pas par choix. Le seul en québécois que j'ai, c'est quoi? C'est rappelle-moi donc. Rappelle-moi donc, c'est quoi? Rappelle-moi donc. Rappelle-moi donc, c'est quoi? King du hip-hop, j'rope des moves de break comme dans Robocop. Sur le dos, sur le vent, up and down, flip flop. Back in the days, j'ai pas peur d'un rapper. Back in the days, j'ai tant des hip-hoppers. Back in the days, j'ai pas peur d'un rapper. Des PMD, Grandmaster Flash. Tous après-midi, j'ai le sound dash. Fait du style gratuit dans la langue de Jean Arrache. Back in the days, j'ai connu ces rockers. You live in the past, man. Gatineau avec Back in the Days de leur album éponyme à La Connexion. Ah, c'est fou, 89.1 FM maintenant. Regardons ce qui se passe en magasin cette semaine. Petite semaine légère, oui, selon hardgamers.com. Voici quelques jeux qui sortent sur multiplateformes, sur DS, PS2, PS3 et PSP. On retrouve un jeu de THQ qui s'appelle MX vs. ATV Untamed. On retrouve aussi Rock Band sur PS2, PS3 et Xbox 360, ainsi que Luxor Pharaoh's Challenge sur la DS et la PSP. Sur Nintendo DS, on retrouve Warhammer 40,000 Squad Command de THQ et Indianapolis 500 Legends de Destiny. Sur PC, Carrier Strike Force, Legends of Norrath Forsworn et Draft Day Sports College Basketball. Sur PS2, on retrouve Dai Senryaku 7 Exceed de Falcon Games et Neo Geo Battle Coliseum. Sur PSP, le seul jeu, c'est Atari Classics Evolved. Et sur Wii, un seul jeu aussi, Knight's Journey of Dreams. Voilà pour les jeux en magasin cette semaine. Et après une semaine d'absence, les jeux Xbox Live Arcade font un retour cette semaine avec un duo intéressant selon Artgamers.com. On retrouve les jeux Grip Shift et Arcadian Warriors sur le service de téléchargement de la Xbox 360. Donc voilà pour ça. Et puis du côté de la Virtual Console de Nintendo, une semaine assez intéressante aussi. Nintendo a rendu 3 classiques disponibles. Le premier est une version améliorée de Pokémon Snap. Sur enquête de jeux plutôt ardus, pourront se plonger dans Ghosts and Goblins. Et en l'absence de baseball, les amateurs de ce sport pourront se tourner vers Baseball Stars 2. Ça, c'est sur la console virtuelle de Nintendo. La dernière édition du magazine Game Informer nous apprend qu'Electronic Arts tentera de nouveau sa chance avec la franchise Command & Conquer sur le marché des jeux de tir à la première personne. La firme prépare en ce moment un jeu de ce genre qui sera tiré de l'univers de Command & Conquer Tiberium Wars. De ce qu'on sait, oui, ce nouveau jeu est prévu pour Xbox 360, PlayStation 3 et PC et prendra place 11 ans après la guerre du Tiberium. En incarnant l'agent du GDI Ricardo Vega, vous devrez diriger des escouades de soldats afin de stopper la dernière menace des forces du NOD. Aucune date de sortie n'a été évidemment avancée pour ce jeu qui tout de même piquera la curiosité des joueurs de cette série. Capcom a récemment lâché quelques infos sur son prochain Street Fighter 4. Si on sait déjà que le jeu sera en 3D, mais basé sur un gameplay en 2D, on a maintenant confirmation que Street Fighter 4 contiendra des modes online, que Capcom compte y inclure la plupart des personnages de Street Fighter 2 et que l'histoire se situera entre celle de Street Fighter 2 Turbo et celle de Street Fighter 3. Et le gameplay misera davantage sur l'attaque que sur la défense. Enfin, si la version test a été réalisée sur PC, Capcom n'a pas encore précisé sur quelle machine le jeu va tourner. Cependant, il n'y aura ici aucune notion d'exclusivité parce que la firme japonaise désire sortir son bébé sur le plus de supports possible. Et enfin, sachez que le producteur du titre n'est nul autre que Yoshinori Ono, qui a déjà travaillé sur Capcom Fighting Evolution, Street Fighter Alpha et Street Fighter 3. Après avoir retardé la sortie canadienne de Rock Band de plus d'un mois, Electronic Arts a de nouveau repoussé son lancement, mais de 2 jours seulement cette fois-ci. Donc la firme a annoncé que le fameux jeu de musique du développeur Harmonix verra le jour le 20 décembre prochain au Canada, et ce tant sur Xbox 360 que sur PlayStation 2 et 3. Donc Rock Band, qui est une révolution dans le monde du jeu vidéo selon Hardgamers et qui vous permet d'incarner un groupe dans votre propre salon. Voilà qui fait le tour pour les nouveautés partout en magasin et bientôt sur vos écrans. Voici maintenant le top des jeux les plus visités sur le OneUp.com, un site de jeux vidéo. En 5e, on retrouve UT3, Unreal Tournament 3 sur la PS3. En 4e, c'est Halo 3 sur la 360. En 3e, c'est Enter the Matrix sur la Xbox 360. En 2e, c'est Crysis sur le PC. Et en première place, c'est Wii Fit qui s'en vient à partir du 20 mai 2008. Voilà, c'est sur Nintendo Wii. Voilà pour la chronique et bientôt sur vos écrans. Maintenant, voici une autre partie du fil jeu vidéo. Quelques nouvelles qui ont marqué le monde des jeux vidéo cette semaine. On va en sauter quelques-unes par manque de temps et le fait que jeuxexpress.com ne fonctionne pas aujourd'hui. Quelques nouvelles intéressantes là-dessus, mais c'est pas grave. Parlons un peu, pourquoi donc pas parler de cartes prépayées pour le PlayStation Network. C'est une des nouvelles qui vous attend dans le fil jeux vidéo. Un peu à la façon de Microsoft avec Xbox Live, Sony va mettre bientôt en vente des cartes prépayées à utiliser sur le PlayStation Network. Ces cartes qui seront offertes au début de 2008 selon le blog de la PlayStation permettront aux utilisateurs du PlayStation Network d'effectuer leurs achats sans avoir besoin d'une carte de crédit. C'est une très bonne nouvelle. Il est impossible de dire pour le moment quels montants seront offerts dans ces cartes ni pour combien elles se détailleront. La bataille au sujet des droits de la franchise Dragon Ball Z est désormais terminée. En effet, Atari et Funimation ont annoncé qu'elles ont conclu une entente permettant à la première c'est Atari, de conserver les droits de la série jusqu'en janvier 2010, et à l'autre, Funimation, d'obtenir les compensations qu'elle désirait avoir. Donc Atari devra verser pas moins de 3,5 millions de dollars en frais de royauté à Funimation pour toutes les propriétés associées à Dragon Ball Z. Ce montant découlera fort probablement des 4 millions qu'Atari avait emprunté à Blue Bay High Yield Investments afin de maintenir ses activités au cours de la période des fêtes. L'article vient de chaque news vrgamers.com. Ensuite, on saute à une nouvelle de jeuxvideo.com. Sur son site fraîchement refait, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs en France tente de dédiaboliser des jeux vidéo trop souvent accusés de tous les maux, de la chute des cheveux jusqu'à la Troisième Guerre mondiale. C'est plutôt une bonne chose en ces temps troublés où la censure s'immisce insidieusement. Wow! Dites ça trois fois rapidement, voir. Où la censure s'immisce insidieusement dans notre loisir préféré. Si on ne peut donc que saluer l'initiative, je doute tout de même, dit l'article, de l'utilité de ces deux visuels qui oscillent entre comparaison hasardeuse et reconnaissance implicite d'un danger potentiel. On va aller voir les images après. Sans compter la belle faute d'orthographe, puisqu'il faut écrire jeux vidéo avec un X à jeu et vidéo, pas de S, comme les plus tatillons l'auront sans doute noté, dit l'article. Pour l'instant donc, rien de tel qu'une belle histoire pour convaincre les gens que le jeu ne fait pas de mal. Jouer à World of Warcraft peut vous sauver la vie, comme on disait un petit peu plus tôt dans l'émission. Donc, regardons ces fameuses publicités. On voit une prise de courant sur un fond rosé. On dirait que c'est sur un mur. Et là, ça dit, en texte, « On n'a jamais imaginé se passer des prises électriques sous prétexte qu'elles pouvaient être dangereuses. Pourquoi en serait-il autrement pour les jeux vidéo? » Wow, j'aime le principe quand même. C'est vrai. Les prises électriques sont là. Si tu mets les doigts dedans, tu pognes un choc. Tu peux, tu sais, c'est dangereux. C'est la même affaire pour les jeux vidéo. Ils sont là. On devrait juste l'accepter. Une autre avec une planche à roulettes sur fond bleu qui dit « On n'a jamais imaginé éliminer les skateboards sous prétexte qu'ils pouvaient être dangereux. Pourquoi en serait-il autrement pour les jeux vidéo? » Ah. L'idée est bonne, l'exécution est peut-être pas super bonne. Voilà qui fait le tour pour notre deuxième bloc, ou en fait, je sais même plus les compter, notre 400e bloc de jeux vidéo dans cette émission aussi. Il me semble que je parle juste de ça. On va retourner en musique et dans quelques secondes, on va parler de technologie. Tout ça à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Pourquoi s'en passer? La connexion existe. Oui, c'est dangereux. Je suis très dangereux. Mais écoutez-moi quand même. Say, did you ever stop to thank God along the way? But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. I'm not gonna stay. Obvious observations everybody makes. But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. The way so tired through a mic. But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. Start, but everyone will be all right and fine until we die. What else can you do but hope and pray and say that we'll get by? We'll be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. It's all Sandra Lurkey, To Be Surprised, de la trame sonore du film Dead in Real Life. C'est sur les palmarès anglophones de C'est Fou cette semaine et depuis quelques semaines. Maintenant, c'est l'heure du blog Go Go Gadget. On commence par une très très bonne idée à Tokyo. Selon l'agence France Presse, le géant de l'électronique japonais Sony a présenté un prototype d'appareil photo numérique en forme de roue à manche sans batterie qui permet de prendre un cliché après avoir généré suffisamment d'électricité en le faisant rouler 15 secondes à la force du bras. L'appareil ressemble à une roue pour découper les pizzas. Un module caméra est fixé sur le manche, lequel intègre également un bouton de déclenchement et l'accumulateur d'énergie. C'est ce qu'a détaillé un porte-parole du groupe. Pour voir les résultats des clichés saisis, il est nécessaire de le relier à un ordinateur, parce que bon, l'appareil est dépourvu d'écran et ça sera un composant trop gourmand en électricité. Ce prototype, qui n'est pas destiné à être commercialisé pour l'instant, est le énième d'une collection de produits sans batterie conçus par Sony dans le but de sensibiliser le public à la nécessité d'économiser l'énergie. Justement, pourquoi ne pas le produire si c'est le cas? Ensuite, tiens, un appareil pour effacer vos disques durs. Oui, c'est vrai. Donc, on dit ici la meilleure façon de s'assurer que personne puisse retrouver vos fichiers quand vous vendez votre disque dur est de le défaire en morceaux. Une fois que les vis se sont perdus, il n'y a aucune façon de le rassembler. Donc, c'est facile pour tout le monde. Ici, si le lecteur fonctionne toujours et qui est assez gros pour être utilisé dans un autre système, vous pourriez considérer le Drive Eraser. Tu connectes l'appareil à ton ancien disque dur, il va effacer les fichiers en écrivant des données au hasard par-dessus le disque au complet. Vous êtes encore plus paranoïaque, il y a une version pro qui va performer plusieurs passes en écrivant des caractères au hasard. Un disque de 250 gigs peut être effacé en dessous de 2 heures. Et vu que le Eraser est un appareil en tant que tel, il ne demande pas à ce que l'ordinateur soit utilisé. Donc, vous pouvez le faire dans un coin de pièce sans utiliser un ordinateur. Donc, la version standard pour un lecteur 3.5 pouces est à 100$. La version Pro est à 150$. La version ordinateur portable est à 150$ aussi. Il y a une version Pro plus versatile qui fonctionne sur les deux formats avec un adaptateur pour 199,95$. C'est le Drive Eraser via The Red Ferret Journal. Le lien est sur le unechance.com dans la section GoGo Gadget. Ensuite, une autre très bonne idée, mettre votre téléphone sur vibration est une très bonne façon de savoir que vous recevez un appel sans déranger les gens, sans que votre baby got back. Donc, sans avoir à faire entendre cette pièce-là aux gens. Donc, le seul problème, c'est que quand votre téléphone est dans une poche, des fois, on le sent pas. Ça m'arrive très souvent. Donc, comment s'assurer de recevoir vos appels sans avoir à mettre votre sonnerie? C'est le Vibrating Bluetooth Bracelet. Oui, et ça, j'en veux deux. Donc, il n'y a pas grand-chose à ne pas aimer sur ce gadget-là. Vous le connectez à votre téléphone via Bluetooth, c'est-à-dire il n'y a pas de fil, c'est seulement une transmission Bluetooth. Et le bracelet vibre, c'est aussi simple que ça. Il y a un temps de 100 heures qui fonctionne et prend, c'est-à-dire qui fonctionne pendant 100 heures avec une recharge de 3 heures seulement. Vous pouvez choisir un de ces bracelets pour 48$ NetPC via Geek Alerts. C'est sur lunechance.com. Et finalement, plusieurs appareils USB sont utilisés dans cette période des fêtes, dont des petits sapins ou n'importe quoi à brancher en USB. Pourquoi pas acheter des bottes chauffantes USB? Ça, c'est une très, très bonne idée. Hein? Pourquoi pas être confortable pendant les fêtes? C'est Tenko via Technobob sur lunechance.com si ça vous tente de vous procurer ça. Là, je fais le tour de la section gadget. Maintenant, parlons un petit peu de technologie. Quelques nouvelles qui ont marqué le monde technologique, c'est-à-dire ce qui n'est pas ordinateur ni jeu vidéo. On va faire ça vite un peu. Un jeune Albertain a été plus que surpris lorsqu'il a reçu une facture d'utilisation de son téléphone cellulaire de 85 000$, selon le Globe and Mail. Peter Staniszek, un travailleur de 22 ans qui réside à Calgary, est abonné à un service de Bell Mobilité dont le forfait de base est de 10$ par mois, lui permettant de naviguer sur le web sans limite de temps. Ce forfait, pensait-il, lui permettait aussi de se servir de son téléphone cellulaire comme modem pour son ordinateur portable. Le gars téléchargeait des films en haute résolution et des logiciels sur son cellulaire. Quel imbécile! Je m'excuse de le dire comme ça, mais il faut vraiment pas être vite. Il y a quelques jours, il a reçu une facture de 60 000 $. Affolé et pensant que Bell avait commis une erreur, il a appelé l'entreprise pour apprendre qu'elle s'était bel et bien trompée et que sa facture était plutôt de 85 000 $. Selon la compagnie, son forfait comprend une clause concernant les frais supplémentaires qui sont chargés en fonction de la quantité de mégaoctets téléchargés. Hein, on parle pas du nombre de pages que tu vas voir, franchement. Dans un geste qu'elle qualifie de bonne foi, et là, regardez bien ça, de très bonne foi, l'entreprise de téléphonie a cependant décidé de réduire sa facture à 3 243 $. Mais Piotr Staniszek la trouve encore trop élevée. Selon lui, la compagnie se devait de l'avertir que sa facture prendrait des proportions extraordinaires. Ah! Il y a des gens qui n'utilisent pas tellement leur tête avant de faire des choses comme ça. L'article via Global Mail est sur lunechance.com. Une nouvelle qui pourrait peut-être l'intéresser, ce Piotr. Rogers sans fil a lancé la semaine dernière en Ontario SpinVox, un service qui permet de convertir ses messages vocaux en messages texte. Le service devrait être disponible en français au Québec le 18 décembre, donc je crois que c'est demain, si vous écoutez en direct. Donc, c'est un service pour les professionnels qui convertit les messages vocaux en SMS. Très, très pratique. Le fabricant japonais de matériel Toshiba, de matériel électronique et informatique, a présenté la semaine dernière un nouveau modèle de batterie qui se charge à 90% en seulement 5 minutes. L'article est sur lunechance.com. C'est le 60e anniversaire du transistor. Oui, John Bardeen, Walter Brattain et William Shockley, les trois lauréats du prix Nobel et co-inventeurs du transistor, ont été photographiés ensemble. La photo sur lunechance.com, ça parle aussi un petit peu historiquement du transistor. Et la guerre des DVD serait-elle presque terminée? Parce que apparemment que Warner Brothers pourrait annoncer d'ici un mois leur choix définitif concernant la technologie de DVD prochaine génération. Ils auraient choisi le Blu-ray et non pas le HD DVD, donc ça se pourrait que ce soit eux qui gagnent. Maintenant, tiens, j'ai posté sur lunechance.com quelques jeux pour le bureau, dont des jeux qui m'ont vraiment intéressé cette semaine, Armor Picross 2 et Picture Logic. Il y a aussi Pajasso, mais les deux premiers sont des jeux basés sur Picross, qui est un jeu que moi je trouve vraiment très très divertissant, où t'as une grille avec un nombre X de colonnes et de rangées. Tu dois trouver où sont les points pour ensuite faire un dessin à la fin. C'est quand même assez complexe, mais une fois que tu rentres dedans, c'est très très divertissant et ça déstresse un peu, même si ça stresse. Aussi. Mais bon, moi, je trouve que c'est assez déstressant pour que ça vaille la peine de jouer. J'ai posté aussi quelques vidéos vraiment cool dans le bloc en attendant vlog. Une tournée du jeu Wii Fit. La critique de Guitar Hero 3 selon Zero Punctuation, ça vaut la peine d'être vue. Il y a aussi une vidéo de AOL News. En fait, c'est une publicité. Ça demande « Where are they now? » C'est AOL, America Online, qui ont pris l'idée de prendre des vedettes du web et voir maintenant où elles sont rendues. Il y a entre autres le gars qui arrêtait pas de dire « Leave Britney alone! » Ce gars-là, il est dedans, c'est vraiment très très drôle. Des gars qui font de comment t'appelles ça, de la barouette. Tu sais quand tu fais de la barouette dans un gymnase, par exemple, en prenant les pieds de l'autre, en faisant avancer. Les gars font des culbutes, c'est vraiment très très beau à voir. La nouvelle publicité de Apple, Santa Claus, qui rend hommage à la gloire de Rankin Bass dans les dessins animés. Très très très beau et les personnages de Apple sont rendus tellement populaires, le PC et le Mac, que maintenant on peut les mettre dans d'autres formes et on les reconnaît quand même. Et une vidéo sur des chatons et une boîte de mouchoirs. Oui, une boîte de mouchoirs et des chats. C'est le dernier vidéo de En attendant vlog. Voilà. Et maintenant, rapidement, pendant qu'on a encore un petit peu de temps à peine, voici Autour du net. Regardons ce qui s'est passé cette semaine autour du net. On commence par un lien de fourcolorrebellion.com. Il nous présente un dessin d'un Swamp dans Mario. C'est le lecteur Luke 314PI. En fait, c'est même pas un dessin. C'est une figurine de comment t'appelles ça, du clé. En tout cas, donc ça mesure 12 pouces par 14 pouces. Vous pouvez l'acheter sur eBay, ça ferait un super beau cadeau de Noël. Je sais pas si c'est encore disponible sur eBay ou si l'achat est fini, j'ai pas le temps d'aller voir. Mais quand même, c'est un Twomp dans Mario, c'est vraiment très très beau. Ensuite, tiens, on peut. Y a un gars qui s'est fait mettre en détention à l'école parce qu'il utilisait Firefox. Donc on a posté sur dig.com, cliquez sur le lien Kid Gets Detention en premier de la page pour voir la lettre que le professeur a écrite. Le gars sait pas c'est quoi Firefox, donc il a simplement envoyé ce gars-là en détention parce qu'il voulait utiliser un furteur alternatif à Explorer. Pourquoi pas? Tiens, une vidéo qui a l'air, ma foi, assez faux ou fake, dépendant de votre expression, de Super Mario Galaxy sur la DS. Ça me surprendrait que ça arrive, mais quand même, la vidéo est quand même assez jolie. et a l'air presque réaliste. Ouais. Ensuite, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mentionner? Il nous reste à peine quelques secondes pour terminer ça. Sur Microsoft.com, il y a une page, une procédure sur Microsoft.com, OK? Procédure pour supprimer Linux et installer Windows XP. C'est une vraie page dans l'aide et support de Microsoft.com. C'est vraiment vrai. Tiens, la pétition sur Facebook a marché. Il y avait une pétition sur Facebook pour enlever le is de votre statut. Tu sais, cette Tom Mathieu Plante is, et là, il fallait que tu sois créatif avec ton is. Maintenant, c'est plus nécessaire depuis hier, dimanche, je crois, ou samedi, dans ces coins-là, en fait, semaine. Donc, voilà, c'est fait. Les gens ont gagné. J'ai gagné. J'étais dans, dans ce groupe-là. Ensuite, tiens, les Photoshop les plus réussis du monde et les plus célèbres. The World's Most Famous Photoshop Fakes. Un concours de Photoshop. Le gagnant de MacBook a été révélé. Un concours de Photoshop. Le gars est excellent en dessin. Et les finalistes sont tous en dessous. Ça fait des photos super belles pour un fond d'écran. Est-ce que vous voulez savoir si vous êtes, daltonien? Allez voir le Blindness Test. Il y a même des exemples en photo. Si vous voulez savoir quelqu'un qui est daltonien, de quoi ça a l'air dans sa vie, allez voir ces photos-là. Et puis... Ah! Ben, je crois que c'est à peu près ça. C'est la fin de la collection pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je m'appelle Mathieu Plante. Ça a été vraiment un plaisir de partager du temps, cette dernière session avec vous. Je serai de retour en janvier dans une nouvelle case horaire à la connexion. On va être en direct les jeudis, maintenant à 11h, et en rediffusion maintenant les mardis à 9h. C'est confirmé, jeudi 11h ou mardi 9h. Je vous retrouve aussi dans le spécial C'était fou en 2007 au Palmarès. Ça, c'est le vendredi 21 décembre à partir de 17h. Et au spécial Sous Sapin 2007 avec toute l'équipe de C'est fou. Ça, c'est le vendredi 21 à 10h du matin. Soyez là, donc de 10h à 13h et de 17h à 20h le 21. Je serai avec vous. Et la collection sera de retour en janvier avec tout plein de nouvelles choses, plus de musique, de jeux vidéo. Ça va être absolument génial. Mais de la part de toute l'équipe fictive de la collection, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance. Bye bye.